L'agence de presse TASS de Russie, l'agence de presse Chinouvelle, les agences de presse Gyodo et Tizi du Japon et l'homepage internet du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique ont présenté du 9 au 11 courant la communication du porte-parole des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée qui proclame la volonté d'exterminer les foyers de l'agression et de la provocation de façon à ne plus relever. Par ailleurs, la radio NHK du Japon, les homepages internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme Kim Jong-lisme et du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique ont rapporté du 8 au 10 courant la réponse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée aux questions posées par le correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos des machinations des États-Unis et de leurs suivistes qui veulent mettre en cause les exercices de lancement des fusées balistiques de notre armée.